la reine, vers la calanque. Sixième partie, au bruit des calanques. Nichée de sirènes. On ne sait pas précisément comment se reproduisent les sirènes. Plus malin que moi le dira. Une chose assurée pourtant, c'est qu'il y en a de vieilles, ridées comme des sorcières, et de jeunes, avec leurs petits, qui nagent autour et viennent téter à la mamelle. Des navigateurs ont vu ça. Par exemple, personne n'a jamais vu de mâle. Peut-être qu'ils habitent les grands fonds et qu'à la manière des poissons, sans jamais connaître leur femelle, ils ne s'approchent du bord que pour frayer. Intéressée par ce début, je m'assis au coin du bateau, à moitié enfoncée par la proue dans le sable et momentanément transformée en cuisine. D'abord, continua mon interlocuteur, sans s'interrompre de débiter par fraîches rondelles sur un large plat de liège pareil à un bouclier ensanglanté, les roucaos et les poissons Saint-Pierre réservés pour la bouillabaisse. D'abord, croyez-vous aux sirènes ? Si je crois aux sirènes, mais autant que vous, patron Marc. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de vrai dans ce que les gens en racontent, puisqu'elles continuent à faire parler d'elles, et puisque nos anciens leur dressaient des autels il y a plus de 4000 ans. 4000 ans ? Vous badinez ! Pas le moins du monde. Même si jamais la fortune me tombe du ciel, et s'il m'arrive ce que rêvent tous les poètes, de posséder un yacht comme Gordon Bennett et Rothschild, ou même une simple tartane, je vous en nomme capitaine et nous faisons ensemble un petit voyage à Poestum. Où diantre prenez-vous ce port de mer ? Mon Dieu, presque à 2 pas d'ici, passé Naples en grande Grèce. Et là, vous me montrerez des sirènes ? Je n'oserai le garantir, seulement sur ce légendaire rivage autrefois chanté des poètes où, saturant l'air de senteurs dont pâmaient les vierges, d'interminables champs de rosiers se couvraient de fleurs 2 fois l'an, et qui n'est plus aujourd'hui qu'un marais fiévreux peuplé de buffles et semé de ruines. Je vous montrerai, tout près du temple de Neptune, à l'angle du rempart fait d'énormes blocs dégrossis, au-dessus de la porte géante, un bas-relief taillé dans la pierre, alors que ni Marseille ni Rome n'existaient, et représentant, patron Marc, une sirène qui cueille une rose. Patron Marc, du coup, laissa tomber son couteau. Et, soit dit, en toute modestie, d'abord, je le crus hypnotisé par l'ampleur vraiment excessive de ma phrase. Présomptueuse erreur. Patron Marc, quoique lettré à sa façon, s'attache plutôt au fond des choses qu'aux vaines curiosités du style. Une sirène qui cueille une rose, s'écria-t-il. Et cela se passait il y a 4000 ans? Mais alors, c'est comme dans mon histoire. Quelle histoire? Eh, pardi, l'histoire que j'avais commencé de conter. Patience, le temps seulement de remettre un peu de braise au Fougueron, et je vais vous dire la fin, tout en ayant l'œil à ce que ma bouillabaisse ne prenne pas le mort aux dents. Voici donc l'histoire de patron Marc, aussi fidèlement reproduite que possible. Puisque vous croyez aux sirènes, vous ne serez pas étonné d'apprendre que, voici déjà pas mal de temps, un douanier qui faisait sa ronde vers la pointe des Rochers Roux en surprit toute une nichée. Vilain endroit, les Rochers Roux, quoi que vous ayez le pied solide et quoi qu'on puisse admirer de leur crête un horizon superbe, je ne vous conseillerais pas d'aller y flâner un jour de vent d'est. Rien que des rochers nus, polis, reluisants du sel craché par les vagues. Car la mer, pour peu qu'elle soit irritée, pousse jusque-là ses embruns. Vu du large, au contraire, vous jureriez un pays de fées. Partout des trous, des grottes moussues dans le mur à pic du porphyre, et partout des calanques remplies d'eau bleue, si resserrées et si profondes que, lorsque vous levez la tête, le ciel apparaît comme un ruban. Chaque calanque a, tout au fond, sa petite plage de sable où une barque peut aborder. Disposition naturellement favorable à la contrebande. C'est dans une de ces calanques qu'un soir de clair de lune, ayant entendu des voix et croyant pincer des contrebandiers, le douanier, couché à plat ventre et se cramponnant au rocher, aperçut d'en haut les sirènes. Elles étaient quatre, une d'un certain âge déjà, mais belle encore, qui semblait la mère, et trois autres, dont la plus jeune, boudeuse et les poings sur les yeux, pleurait ou feignait de pleurer, comme font les enfants quand on les gronde. Sa mère, en effet, la grondait, lui reprochant d'être sortie de l'eau en plein midi, malgré sa défense, et d'avoir joué sur le sable, au risque de voir ses écailles ternies par le soleil brûlant. « Le sable est si tiède et si doux !» soupirait tout bas la sirénote. « Et puis, j'avais si grande envie d'atteindre cette fleur bleue, poussée là-haut, dans cette fente. »« Une fleur bleue ! Une fleur bleue !» reprenait la mère, comme si nos parterres sous-marins n'offraient pas à foison, parmi l'algue et les madrépores, des milliers de fleurs vivantes, nuancées de couleurs plus riches, et qui, elles, ne flétrissent point. Sans compter le danger auquel on s'expose, allant imprudemment cueillir ces fleurs terrestres, de devenir pareilles aux femmes, et sa virginité perdue, de subir la brutale caresse des mortels. Après quoi, pour la centième fois peut-être, car les sirénotes bâillaient, elle leur redit un vieux conte du temps jadis, l'aventure d'une sirène qui, de la sorte métamorphosée, fut impératrice, aima et mourut, ayant respiré une rose. Si bien que, depuis, la petite sirène ne pensa plus qu'à respirer un jour une rose, au risque d'aimer et de mourir, et que de son côté, le douanier, lequel était hardi garçon, ne pensa plus qu'à la sirène. Chaque fois que son service le permettait, par tous les temps et même la nuit, il retournait rôder au rivage. Seulement, à cause de l'hiver peut-être, les sirènes ne se montraient pas. Alors, il lui vint une idée. C'était d'apporter quelques paniers de terre au creux de la calanque, dans un coin abrité de l'écume et des vents, et de construire un jardinet comme s'en construisent les douaniers à l'entour de leur maisonnette. Puis il y planta un rosier, et quand le printemps reverdit et que les rameaux jetèrent fleurs, un matin, auprès de son rosier, il trouva une mignonne femme nue, très blonde, une rose à la main, et qui paraissait endormie. Ayant reconnu la sirène, il l'enveloppa de son manteau d'uniforme et la porta dans sa cabane. Un an durant, ils furent heureux. Elle avait pris goût à sa vie nouvelle et n'avait l'air aucunement de se languir. Mais au bout d'un an, jour pour jour, ou pour mieux dire, heure pour heure, comme le douanier était en train de suivre, après sa tournée du matin, les trois sentiers qui couronnent le haut des calanques, il s'imagina, de loin, entendre chanter les sirènes. Puis, ce fut un plaintif cri d'adieu, le bruit d'un corps tombant à la mer. Et arrivé chez lui, il trouva la cabane vide. Le varech du lit était encore chaud. Sur la planchette qui servait de table, on avait laissé, en manière de souvenir, un collier de corail, de coquilles et de perles fines liées avec ces fils tenaces, pareils à la soie, dont se servent les grands nacres pour s'amarrer à leurs rochers. Le douanier ne se consola pas. On dit même qu'il se mit à boire et fit une mauvaise faim. « Car, voyez-vous, conclut patron Marc, une sirène reste toujours sirène, est né pour la perdition des hommes, quel que soit l'amour qui la tienne, elle regrette toujours la mer. Maintenant, patron Marc versait la bouillabaisse. Mais, insensible aux appétissantes vapeurs montant des tranches safranées, un long moment encore, je suivis de ma rêverie cette antique tradition qui, reconnaissable malgré tout sous son travestissement populaire, m'apportait ainsi, en Provence, par-dessus l'azur de nos mers latines, un parfum des roses de Poestum. 9 mars 1896.